Vous êtes compositeur, peu connu encore en ce pays qui est le vôtre, nous devons l'admettre, mais davantage aux États-Unis où il vous arrive de vivre et de travailler fréquemment. On ne vous connaît pas de strictes allégeances. Alors, Eliane Radig, comment êtes-vous compositeur et comment l'êtes-vous devenu ? Compositeur à la fois par vocation et par accident. Par vocation parce que la musique est une constante qui a animé ma vie aussi loin que je puisse me rappeler, dont j'en ai pris conscience assez tôt et j'en ai témoigné assez tôt. Au prix de nombreuses difficultés, ce fut une lutte, ce fut très très difficile pour moi de devenir musicienne. Lorsque j'étais en pension, j'allais quelquefois à la salle de musique et la directrice m'en chassait méchamment en me disant « Mademoiselle Radig, vous n'avez pas droit à cette salle, vous ne prenez pas de leçons de piano », ce qui ne m'empêchait pas d'y retourner. Et ça a été un petit peu cela toute ma vie, le fait d'être musicienne. J'ai fait un conservatoire très tardivement. Quand vous dites « j'ai fait un conservatoire », oui, c'est une très, très, très mauvaise expression. Lequel, s'il vous plaît ? Conservatoire qui était à l'époque municipal est devenu ensuite national. Et j'étais déjà une adulte avancée. Et je passais mes concours avec des gamins, des gamines, beaucoup plus jeunes que moi, ce qui n'était pas toujours très, très agréable. Enfin, c'est le plus mauvais souvenir que je garde de cette période, ce sont les concours. Alors, nous n'allons pas insister sur cette période qui vous fut désagréable. Néanmoins, sachons de quelle discipline vous recherchiez l'enseignement à ce moment-là. Je cherchais à perfectionner les disciplines d'écriture. J'avais appris seule l'harmonie, un peu le contrepoint. Enfin, j'avais du moins essayé de travailler ces disciplines. J'avais travaillé également les douze sons grâce aux ouvrages de M. Leibovitz. Et immédiatement, j'avais essayé de mettre tout cela en pratique sur du papier ligné. Le résultat n'était pas tout à fait satisfaisant. Et c'est à cette époque-là, du reste, que j'ai découvert l'existence d'autres techniques du son, la musique concrète, une série d'émissions qu'avait donné Pierre Schaeffer dans le courant des années 56, je crois, 55-56. C'est l'époque où j'ai travaillé au studio d'essai. C'est là où j'ai fait mes premières armes dans ces techniques. Vous faisiez vos premières armes dans ces techniques. Mais aviez-vous conscience alors de devoir être uniquement compositeur ? Et pour atteindre quoi ? Je voulais faire de la musique. Enfin, je voulais faire quelque chose avec des sons. Le matériau sonore m'intéressait en tant que tel pour tout ce qu'il contenait, pour sa versatilité, sa fluidité, sa richesse intérieure, tout son contenu interne. Et c'est cela que je voulais essayer de modeler. Et la manière dont j'ai commencé à traiter ce matériau sonore en témoigne. Je cherchais moins à établir mes constructions en termes de hauteur relative ou de temps et de durée relative, mais je cherchais plutôt à empoigner le matériau sonore et extirper des éléments qui le constituent, une trame qui me semblait être ce que ce matériau voulait dire. Donc vous étiez parfaitement déterminé et vous saviez pratiquement qu'il fallait exclure de vos préoccupations le matériau traditionnel afin d'avoir une préhension plus directe sur celui que vous fournissez, entre autres, les techniques électroacoustiques. Oui, au moins pour moi. Enfin, je pense qu'il aurait été possible de faire, qu'il serait possible de faire ce que j'ai envie de faire avec matériaux traditionnels, mais le matériau électroacoustique, donc, au concret, électronique, qui est celui que j'utilise maintenant, et je préfère le terme car il est plus honnête, plus franc, j'utilise un matériau électronique, me semblait mieux se plier à mes exigences en matière de forme pour ce que je voulais faire avec ce matériau.